Conférence intensive supramentale du 2 mai, reportée au 10 octobre 2020. Donc, la journée intensive de conférence supramentale avec Marc de la Salle et moi, qui va l'interviewer, qui était prévue à l'origine dans la ville de Québec, au Canada, pour le 2 mai 2020, a été annulée en raison de la pandémie du coronavirus COVID-19. Ne permettant plus les activités impliquant des rassemblements de personnes. Donc, c'est la situation ici au Québec. Comme la fin des mesures de confinement mises en place par le gouvernement du Québec a été souvent reportée dans les dernières semaines. Donc, à l'origine, elle était supposée se terminer le 29 mars, ensuite le 14 avril. Et par après, c'est annoncé qu'elles sont prévues prendre fin pour le 4 mai et qu'elles pourraient encore être reportées plus tard, que ce soit en juin ou dans d'autres mois. J'ai décidé de reporter l'activité plus loin dans le temps, soit à l'automne. Ce qui est intéressant, c'est que ça va donner du temps aux gens en reportant l'activité pour intégrer l'événement de la crise du coronavirus et aussi la période de confinement qui est subie par eux. Et c'est sûr que ça va donner le temps d'intégrer des événements en relation avec la crise qui sont déstabilisants, qui sont propices à amener certaines personnes à connaître une mutation psychique accélérée qui est susceptible de rehausser son taux vibratoire et l'amener à avoir un taux vibratoire très différent de celui qu'elle a présentement. Et il est même possible aussi qu'à travers la période de confinement présent, dans l'intérieur de son foyer, eh bien, une personne ou même des personnes vont vivre des changements de conscience significatifs et vibratoires qui vont les rendre plus ouverts par la suite à l'exposition de la vibration d'une journée intensive supramentale comme celle qu'on veut faire, donc d'immersion dans une vibration. Ainsi, il est possible que nous puissions aller plus loin sur le plan vibratoire dans la parole, dans le cadre de cette activité, que si on l'aurait tenue là, au mois de mai ou au mois de juin, dans le sens que si le taux vibratoire des gens est différent à l'automne, puis ils connaissent des mutations psychiques significatives par rapport à ceux qui vont venir assister à l'activité, ça les donne à ce moment-là la capacité d'absorber davantage une vibration qui est forte, parce que s'ils sont capables d'absorber la vibration du chaos qui est engendrée par la crise du coronavirus qui peut occasionner de la déstabilisation, par la suite, d'absorber l'énergie qui provient de l'esprit, à ce moment-là, ça devient plus simple. Donc, c'est partie remise, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'automne, il va y avoir des gens qui vont être à un autre niveau que celui présentement, et à travers ça, ça donne l'opportunité, à travers cette période de temps, que les gens puissent intégrer l'événement, etc., la charge énergétique qui s'y rapporte. Et à ce moment-là, c'est sûr que les changements vibratoires et psychiques que les gens peuvent vivre à travers la crise actuelle, ça peut servir par la suite à ces gens-là d'être plus à l'aise, avoir plus de facilité d'intégrer la vibration de l'esprit et d'être stable par rapport à ça. Parce que si la personne est capable d'être stable psychiquement par rapport à la crise du coronavirus, à ce moment-là, cette compétence développée, cette capacité peut être transférée pour l'absorption de la vibration de l'esprit. Donc, il y a des liens à faire par rapport à ça parce que tout est interrelié. Tout ça pour vous dire que la journée de conférence supramentale avec Marc de la Salle, où il est prévu que je l'interviewe, donc est reportée pour le samedi 10 octobre 2020. J'ai choisi cette date précisément pour une raison particulière. Parce que ce samedi-là s'inscrit dans le cadre de la fin de semaine de l'Action de grâce, qui représente pour plusieurs d'entre nous une fin de semaine de congé de 3 jours, étant une période donc plus propice au déplacement sur la route pour les gens qui vont partir de Sherbrooke, Longueuil ou de d'autres endroits du Québec en vue de se rendre dans la ville de Québec, assister à la conférence. Et aussi, le mois d'octobre a été visé parce qu'habituellement, Il n'y a pas de neige au sol, il n'y a pas encore de tempête de neige non plus. D'où la raison pour laquelle j'ai identifié cette date. Donc, l'invitation, par rapport à cette activité-là, je vais vous l'aller dans quelques instants. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont rester pareilles, comme par exemple le coût de l'activité pour l'automne reste le même. Donc, étant donné que l'activité est tout simplement déplacée, bien, ça demeure toujours au coût de 50$ pour cette nouvelle date. C'est sûr que je vous propose de me réécrire par courriel en vue de me confirmer votre participation pour que je prenne en note votre adresse courriel, étant donné que les places demeurent toujours limitées et qu'il y a à la fois un nombre minimum et maximum de places de disponibles. Donc, ça prend un minimum d'inscription pour que l'activité soit tenue, puis en même temps, un maximum de places parce que c'est sûr que dans un local, c'est une salle, là, elle ne peut pas contenir un nombre infini de personnes là, naturellement, d'où le fait que la pertinence de me contacter le plus tôt possible pour vous réserver une place. Concernant les activités, bien, les informations sont présentées là, en bas de cette vidéo-là que vous écoutez là, sur YouTube. Là. Vous avez un texte descriptif là, qui vous présente les informations. Et étant donné qu'il y a peut-être des nouvelles personnes qui ont découvert ma chaîne YouTube là, dans les dernières semaines, ben, j'ai eu quand même un certain nombre d'abonnés. Même chose par rapport à Facebook. Bien, je vais quand même redonner des informations sur l'activité auquel là, je fais allusion. Je vais carrément relire le texte là, d'invitation avec les petites mises à jour, avec les modifications de date, là, étant donné que c'est reporté à l'automne. Donc, je procède à la lecture du document. Le 10 octobre 2020, il y aura une journée de conférence intensive où Marc de la Salle sera interviewé par David Lévesque, c'est-à-dire moi-même. Pour procéder de la canalisation supramentale, Marc de la Salle s'avère l'auteur de nombreux livres portant sur la conscience supramentale. Il a pour site web marcdelasalle.com. Il présente aussi des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, il y a plusieurs d'entre elles là, qui sont présentes donc sur sa chaîne. Cette rencontre sera dans l'optique de s'immerger intensivement dans une vibration supramentale. Elle va avoir lieu dans la ville de Québec, se trouvant dans la province du Québec au Canada. Elle se déroulera à la Corporation des loisirs Maria Goretti, 74-75 avenue Paul Comtois, Québec, QC, G1H5X6. Il y aura une conférence en après-midi qui va débuter à 15h. Ensuite, il y aura une pause pour le souper et une autre conférence en soirée. Chacune de ces deux conférences va durer au minimum 2 heures. Dans le cadre de cette rencontre intensive, il y aura la possibilité aux gens du public sur place de poser des questions à Marc de la Salle. Le coût de participation pour cette activité est de 50$ canadiens par personne. Ce montant est payable en argent comptant lors de la journée d'activité. À part Marc et moi, les gens qui seront présents sur place n'auront pas la possibilité d'enregistrer ces conférences car leurs enregistrements seront mis en vente par la suite. Sinon, il est possible de se stationner gratuitement et également d'y manger sur place sur des tables pour les gens qui amèneront un repas avec eux. Néanmoins, le souper n'est pas inclus avec la participation à cette activité. Pour les gens intéressés à y participer, je vous invite à me contacter dès maintenant pour vous réserver une place par courriel à mon adresse davidlevesquesupra@hotmail.com car les places sont limitées. Vous avez jusqu'au 24 septembre 2020 pour réserver votre place. Advenant qu'il y ait des gens qui aimeraient faire du covoiturage pour se rendre à cette activité à Québec, je ne m'occupe pas de faire du jumelage car je ne peux pas garantir la fiabilité des gens dans cette optique. Par contre, vous êtes les bienvenus pour écrire des messages en vue de trouver quelqu'un avec qui covoiturer en bas des annonces de cette activité que j'ai publiée sur YouTube et Facebook dans des groupes comme celui de diffusion BDM Intel Rencontre, Trédignon, pardon, Rencontre, et à ma page Facebook personnelle, David Lévesque Trédignon, Conscience Libre. Dans cette optique, je vous invite naturellement à être prudent si vous contactez une personne vous étant inconnue sur le web. Je vous suggère d'échanger au préalable en audio avec elle pour évaluer si vous seriez à l'aise ou non pour ensuite covoiturer ensemble. Donc, je viens de compléter la lecture de l'annonce. Et bien, c'est sûr que d'ici ce temps-là, bien, les gens qui veulent m'entendre avec Marc de la Salle, eh bien, il est possible d'acheter des enregistrements. J'ai fait au fil du temps là, plusieurs entrevues avec Marc de la Salle qui sont en vente, dont vous pouvez retrouver des extraits promotionnels sur ma chaîne YouTube. Et c'est sûr que par rapport à la crise présente associée à la pandémie mondiale se reportant au coronavirus COVID-19, eh bien, en lien avec cette dernière, j'ai fait récemment une entrevue avec Marc de la Salle où je pose des questions en lien avec cette dernière qui, d'ailleurs, fait en sorte que cet événement, là, comme plusieurs, hein, est empêché. Donc, et ces questions, vous allez pouvoir les retrouver dans l'entretien qui s'intitule « La déstabilisation mondiale » que vous avez sur ma chaîne YouTube, un extrait promotionnel. Et je vous dirais que par rapport à la question du coronavirus, j'ai discuté de tout ça avec plusieurs personnes, j'ai fait de nombreuses entrevues, j'ai écouté plusieurs vidéos sur le web. Et je vous dirais que l'entrevue que Marc m'a accordée, je l'ai particulièrement appréciée. Et il y en a plusieurs d'ailleurs personnes là, qui m'ont acheté cet enregistrement-là. D'ailleurs, je tenais à prendre la parole aujourd'hui naturellement pour les remercier également de l'achat qu'ils ont fait parce que ça nous donne un soutien à Marc et moi. Étant donné qu'à travers les ventes d'enregistrement, ben, chacun, on a une partie des ventes qui nous revient. Donc, merci pour les achats et puis pour les gens qui, d'ici l'automne, ont envie de nous entendre, donc l'invitation est lancée, bien, vous pouvez vous procurer différents enregistrements là, parce qu'il y en a eu plusieurs qui ont été faits au fil des mois. Et là-dessus, bien, je complète l'enregistrement présent. Je vous dis à bientôt. Au revoir.